Vous aussi vous aimez le rock pygmée, les rythmes entraînants venus de la savane. Alors, rejoignez-nous sur British Connection. Bonjour à tous et à toutes. Et ben, c'est Eric Tadoussac au micro pour vous parler de mon roman Les fusibles pètent les plombs aux éditions Douro. Drôle de titre, peut-être, sauf si on sait que Les fusibles sont un groupe de rock qui sévit entre 1965 et 1975. Au début étaient les Batiscafes, une formation dans la lignée des Shadows. Plein de bonne volonté, bien que, je cite, dans leurs meilleurs jours, ça sonnait pas mal, mais sans plus. Il manquait toujours un petit quelque chose que, malgré leurs efforts, ils n'arrivaient pas à définir, ni, par conséquent, à corriger. Ils ignoraient qu'ils étaient un peu en avance sur leur temps, et qu'une dizaine d'années plus tard, il leur aurait suffi de rajouter des cheveux en pétard à leur côté foutraque pour qu'on les qualifiât de punk. Mais là, dans cette dernière ligne droite des années 60, on les prenait pour ce qu'ils étaient, un excellent groupe amateur avec qui l'on prenait du bon temps, l'équivalent musical d'un film de série B. Après bien des déboires, ils finissent par se séparer et Julien le batteur et Denis le bassiste décident de former un nouveau groupe, les fameux Fusibles. Nous sommes alors au tout début des années 70. Les goûts ont changé et Julien et Denis ont découvert la soul. Entre autres, un certain Otis Redding dont on va entendre tout de suite la superbe version de « My Girl ». I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make who me feel this way? It's my girl talking about my girl. I've got so much loving. All the bees into me. I've got a sweeter song that I can sing. The new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about my. Ooh. écoutez les podcasts British Connection via la page Facebook de l'émission You Rock. Voilà, Otis Redding, My Girl. Alors les Fusibles, c'est un groupe atypique à tous les points de vue. Pourquoi ? Parce que déjà la formation compte 5 membres, dont 2 filles. Et 2 filles qui ne font pas de la figuration, puisque l'une est bassiste et l'autre organiste. Chose rarissime à l'époque. Très macho, l'époque. Atypique aussi, car s'ils aiment la soul, ils aiment aussi le reggae, qu'ils découvrent grâce à la correspondante anglaise de leur organiste, qui leur envoie un disque de 1969 intitulé Liquidator des Harry J. All Stars. All Stars, qui comprennent en leur rang la future rythmique des Wailers de Bob Marley, les frères Barrett en personne. Et puis, dans les morceaux proposés, une version de « Je t'aime moi non plus » de Serge Gainsbourg. Et c'est peut-être là la première rencontre entre Gainsbourg et le reggae. Mais le reggae en 1970 ou 1971, ça n'existe pas en France. À tel point que lorsque leur chanteur rencontre un producteur de musique, celui-ci lui déclare, je cite encore, « Ça ne marchera jamais, croisant mon expérience. Ce reggae n'a aucun futur. » En dehors de son île, en tout cas. Quant à Gainsbourg, qui peut penser que Serge pourrait s'intéresser à une telle musique de merde et avoir du succès avec, en plus ? Il a du goût, Serge. Il n'irait pas se compromettre avec des conneries pareilles. Alors, cette version de « Je t'aime », bref, un visionnaire. Allez, du coup, on va se l'écouter, cette version de « Je t'aime moi non plus » par les Harry J. All Stars. Thank you. Allez, toc, je t'aime moi non plus par les Harry J. All-Stars. Bon, bah pour le reste, pas question de vous raconter toute l'histoire quand même, où serait l'intérêt? Ce serait comme si un auteur de polar vous révélait le nom de l'assassin dans la quatrième de couverture. Mais je peux quand même vous dire, mais alors uniquement entre nous, hein, que Les Fusibles pètent les plombs est un livre qui va au-delà de la simple histoire d'un groupe de rock. C'est avant tout un roman sur le passage à l'âge adulte. Car, pour tous les personnages qui s'ébattent et se débattent dans cette aventure, il s'agit désormais de passer du rêve de l'enfance à l'action, de déterminer jusqu'où ils sont prêts à aller pour assouvir leur passion, écrire leur futur, sachant que la moindre rature sur la page blanche se paye cash. Aux côtés de Julien et Denis, les fondateurs, Delphine l'intellectuelle, Armel la bourlingueuse et Roméo, le chanteur de charme, vont faire leur apprentissage, chacun avec les armes que leur ont donné la vie, leur éducation et leur milieu social. Le tout sur le ton de la comédie, même si parfois le rire peut s'avérer grinçant. Voilà, je tiens à remercier mille fois Philippe de m'avoir permis de m'exprimer sur ce roman où beaucoup d'anecdotes sur le monde de la musique sont vraies, même si romancées. Ça s'appelle donc « Les Fusibles pètent les plombs » et c'est aux éditions Douro. En attendant, comment ne pas se quitter avec un morceau des Blaireaux de Ravel intitulé, bah oui, Fusibles, et dont le refrain dit, bah oui, je pète les plombs. Que demander de plus, franchement? Allez, ciao à toutes et à tous, et continuez d'écouter British Connection. Ça ressemble à une traversée du désert. Pas un mot, rien ne me vient. Depuis des heures entières, ça ressemble à un tacle par derrière. Pas une rime, rien de bien. Depuis des journées entières, ça ressemble à la fin d'un voyage. Un cul-de-sac alourdi de pierre, comme une punition de bas étage, comme un dimanche en hiver. J'pète les plombs. Peut-être que j'aille prendre l'air. voir dehors ce que les gens font de leur temps sur terre. Je voudrais ranger pour quelques heures ce qui me sert de cerveau placard et toutes ces voix à l'intérieur qui me laissent pas une minute peinard. Ça ressemble au début d'un voyage, mais je ne ferai qu'un passage éclair. Trop peur d'être déçu par le paysage, comme un singe en hiver. Je viens de découvrir un groupe de rock, faut que je te fasse écouter, tu vas kiffer. Quoi ? Tu connaissais déjà ? Si tu veux pas passer pour un blaireau auprès de tes potes, écoute British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Écoute ça. l'instant, les ex-anges pervers, oui, c'était leur premier nom, les Collectors, à l'instant, ils nous viennent de Brest avec le morceau Parlons d'ici. Oi Music, après RAS, groupe des années 80, voici RAS 84, ce sont les mêmes, mais voilà, ils se sont reformés, un album est sorti, rien ne pourra effacer. L'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Et oui, c'est déjà la troisième partie et fin de l'album de la semaine. Stan de Flasher. Trouvez tout leur LP, EP via leur site standeflasher.com. Le diable est dans les détails, c'est aussi une sorte de challenge que je me suis donné au niveau des paroles. Quelque chose que je n'avais jamais fait dans aucune des chansons des Stan, c'est que les rimes de toutes les phrases se terminent de la même façon. Il n'y a que des assonances en « aïe » dans la chanson. « Aïe, aïe, aïe » partout. On s'est aussi permis de faire un gros pont musical en plein milieu du titre avec des sirènes et une incantation satanique. Mais en fait, la chanson est inspirée de la période des Gilets jaunes, donc a priori rien à voir avec le diable, du moins en première lecture. Pour ce morceau, nous avons eu la chance de faire des sessions de basse avec David Jacob, qui est le bassiste de Trust, et qui nous a fait l'honneur de venir enregistrer trois titres sur cet album. On a aussi mis un petit synthé malin, qui vous rappellera peut-être le Tubular Bells de Michael Field, qui avait servi pour le film L'Exorciste de William Friedkin. Voilà, tout ça est diabolique, n'est-ce pas? British Connection, British Connection. C'est la bleuzaille qui boostifie, ça se chamaille et ça déraille, on nous empaille les entrailles. Et N'est pas toujours de taille.